Bonjour. Voici la lecture d'une tribune parue sur le club de Mediapart le 21 septembre 2023. Elle concerne la loi Kasbarian-Berger et la criminalisation du droit au logement. Il y a cette petite note en intro. La loi Kasbarian-Berger, qui criminalise les locataires précaires et les occupants et occupantes de squat, fait de l'accès au logement un, entre guillemets, outil répressif et, citation, facilite l'incrimination des personnes déjà ciblées et fragilisées, selon un collectif mal logé et squatteurs et squatteuses. Pour donner de la force à toutes celles et tous ceux qui bricolent et galèrent pour se loger, il et elle invite à des rassemblements solidaires et demande le retrait de la loi, ainsi qu'un droit au logement décent, stable et abordable pour toutes et tous. Voici donc la tribune. La loi Kasbarian-Berger est passée cet été. Elle et ses articles qui criminalisent les locataires précaires et les occupants et occupantes de squat. Avec cette tribune, nous voulons alerter sur ses conséquences, autant présentes qu'à venir, tout en rappelant le contexte plus large dans lequel elle s'inscrit. Ce « nous » est un collectif de squatteurs et squatteuses qui, depuis des années, au fil des expulsions et des recompositions, persiste à habiter le Bas-Montreuil, un territoire qui voit ses rues, puis sa population, changer à coups de plan local d'urbanisme et de permis de démolir. Malgré tout, c'est aussi celui que nous habitons pleinement depuis quelques années et qui abrite un entremêlement de rencontres, de complicité et de résistance. C'est ce que nous continuons à faire exister dans notre habitation actuelle, que nous avons investi en décembre 2022, avant que le propriétaire puisse accomplir son projet d'en faire un immeuble de 5 étages avec toit-terrasse, avant aussi qu'il essaye de nous en expulser sans passer par un tribunal, mais avec l'aide d'une pelleteuse. Et oui. Aujourd'hui, nous sommes parmi les premiers et premières à faire face à l'application de la nouvelle loi Kasbarian-Berger. Un arrêté préfectoral a été placardé sur notre porte, nous annonçant que nous avions 7 jours pour quitter les lieux. 7 jours pour nous séparer de plusieurs mois d'ancrage, 7 jours pour trouver un nouvel espace qui pourrait nous accueillir, 7 jours après lesquels cette maison devait se vider à nouveau de tout et toutes occupants, occupantes. Nous avons déposé un recours et aurons donc une audience le 26 septembre au tribunal administratif de Montreuil. Bien que nous soyons pris et prises dans la défense de notre maison, nous tenons à resituer ce qui nous arrive en rappelant le contexte politique bien plus large et alarmant dans lequel notre situation s'inscrit. Ce contexte, c'est celui d'un État répressif qui débride sa violence au fil des contestations sociales. Sa politique s'impose par la brutalité de sa police et l'injustice de ses lois, en usant d'armes allant du 49-3 au LBD 40. Réforme des retraites, Sainte-Soline, révolte suite au meurtre de Naël, l'ordre capitaliste, écocidaire et raciste est sourd. Le profit doit se faire et peu importe que ce soit au détriment de nos vies. Sur la question du logement, en France par exemple, ce sont plus de 300 000 personnes sans domicile fixe pour 3,1 millions de logements vacants. C'est pourtant dans ce contexte que la nouvelle loi Kasbarian-Berger criminalise encore plus l'occupation de lieux vacants, avec une formulation tellement large qu'elle comprend les parcelles agricoles ou les lieux de travail, préparant ainsi le terrain à une répression toujours plus totale de nos moyens de lutte, avec des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. Par exemple, un ou une salarié qui occuperait son lieu de travail dans le cadre d'un mouvement social risque maintenant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. En s'attaquant aux occupations, c'est donc le mouvement social dans son ensemble qui est pris pour cible. Car les squats jouent un rôle important dans ces épisodes de contestation, en offrant un cadre matériel et affectif capable de soutenir les luttes. On a vu les fourneaux s'activer pour ravitailler les piquets de grève, les boules à facettes s'illuminer pour alimenter les caisses de soutien, les langues se délier au cours de cercles de paroles pour traiter la violence à laquelle nous faisons face. Assemblée générale, atelier des banderoles et une infinité d'autres moments en lien avec les mouvements sociaux actuels ont été organisés dans des squats. Mais avec la loi Casbarian-Berger, c'est dorénavant la préfecture qui dispose d'une autonomie pour décider du sort des occupants et occupantes d'un lieu. Et ce, sans contradictoire, donc sans aucune possibilité pour les habitants et habitantes de se défendre face à un juge. Cette même préfecture qui, à travers les mots de l'ancien préfet de Paris, M. Lallement, assumait pleinement avoir choisi son camp, celui qui criminalise toute forme de lutte. Cette nouvelle loi facilite l'incrimination des personnes déjà ciblées et fragilisées par les politiques de contrôle en faisant de l'accès au logement un outil répressif. Ainsi, le préfet du Val d'Oise se félicitait d'avoir expulsé de son logement social toute la famille d'un émeutier. Ces pratiques déshumanisantes viennent s'ajouter au projet de loi raciste d'Armanin, qui vise à enfermer et expulser toujours plus de personnes sans papier. Ces mêmes personnes qui font partie des premières concernées quant à la question du mal-logement et à qui l'État conditionne le droit de rester en France au rendement de leur force de travail. En plus de donner davantage de moyens et de pouvoir à la préfecture pour expulser des espaces qui échappent à son contrôle, cette loi est le symptôme d'un contexte de droitisation décomplexée qui renforce le sentiment de légitimité des proprios mafieux, des milices privées, des groupes d'extrême droite à agir par eux-mêmes. On ne s'imaginerait pas une pelleteuse détruisant une maison pour en déloger ses occupants et occupantes dans un monde où le droit au logement serait une évidence partagée. Dans un monde débarrassé de ses fondements coloniaux et racistes, on ne s'imaginerait pas non plus des groupes d'extrême droite se faire les supplétifs de la police en lui livrant des révoltés réagissant à l'assassinat de Naël. En parallèle du durcissement auquel elle participe, cette nouvelle loi est aussi une garantie de plus pour rassurer le marché de la spéculation immobilière. Derrière l'image d'un libre marché, il y a l'État et son appareil aussi bien répressif que législatif et médiatique, qui assure le maintien d'un cadre propice au rapport d'exploitation. À chaque médiatisation d'un squat, on assiste à la même levée de boucliers pour défendre les intérêts du propriétaire à posséder, peu importe l'utilisation qui est faite de cette possession. En plaçant la prédation et la compétitivité économique comme rapport hégémonique, la métropole tend à détruire toutes les possibilités d'habiter en ville autrement que comme individu atomisé et exploité. Le travail salarié y est le seul moyen de subvenir à ses besoins. La consommation, la seule manière d'exister. La propriété privée, louée ou acquise, la seule manière de se loger. Dès lors, les pauvres et les marginaux et les marginales n'ont pas leur place dans la ville rêvée du progrès, de la croissance et du profit. À la fois indispensable à son fonctionnement et invisibilisé, ils et elles sont repoussés toujours plus vers les périphéries. Ce processus d'évincement passe par le démantèlement de camps de fortune, la mise en place de mobilier urbain anti-SDF, la chasse aux sans-papiers et aux vendeurs et vendeuses à la sauvette, ainsi qu'à toute économie parallèle, mais aussi par la promulgation de lois anti-pauvres. C'est bien comme cela qu'il faut comprendre la loi Casbarian-Berger, comme une loi qui criminalise et s'attaque frontalement à celles et ceux qui galèrent déjà à se loger dignement. En parallèle de ces mécanismes pensés pour chasser les indésirables, il y en a d'autres qui attirent les populations plus aisées. Les logements changent d'aspect, d'envergure et de prix, les commerces s'adaptent et attirent bientôt d'autres franges encore plus aisées. Ces dynamiques se sont accélérées dans le 9-3 ces dernières années, avec les aménagements du Grand Paris ou les JO 2024. Là où ils s'implantent, ces deux projets titanesques entraînent expulsion massive et destruction de terres agricoles, planifions une Île-de-France toujours plus connectée et productive, et un 9-3 lisse et propre, digne de servir de vitrine au tourisme mondial. Par tous ces mécanismes, la ville devient peu à peu dénuée d'entraide et de vie commune. L'espace, comme le temps, servent une économie injuste et mortifère, là où nous luttons pour faire exister depuis d'autres bases nos besoins et nos enthousiasmes. C'est ce que fait par exemple en ce moment le foyer de travailleurs migrants Branly à Montreuil, en lutte face au gestionnaire Adoma qui projette de détruire l'ensemble du bâtiment, ses espaces collectifs et sa forme d'habitation et de vie, pour laisser place à une résidence sociale standardisée et individualisée, et par la même occasion, dégager 1500 m² constructibles pour un autre projet immobilier. Ceci au mépris de toute consultation avec les habitants. C'est aussi ce que nous faisons, en occupant une maison condamnée à être détruite pour laisser place à un fructueux projet immobilier gentrificateur, l'un des trop nombreux, qui cherche à faire de Montreuil une ville où les rapports non marchands n'ont plus leur place. Avec nos squats, nos cantines populaires à prix libre, nos déambulations festives, nos marchés gratuits, nos lits, en plus pour celles et ceux qui en auraient besoin, nos espaces de soins collectifs, nos parties vraiment communes que chacun et chacune peut s'approprier, on participe à rendre la ville vivable et on entend bien la vivre longtemps. Avec cette tribune, on veut aussi donner de la force aux copaines sans droit ni titre et à toutes celles et ceux qui bricolent et galèrent pour se loger. Parce que la solidarité est notre arme, rendez-vous le 26 septembre à partir de 13h30 pour notre audience devant le tribunal administratif de Montreuil et le 30 septembre pour la manifestation nationale pour la baisse des loyers et des prix de l'énergie, le droit au logement décent, stable et abordable pour toutes et tous, et l'application de la loi réquisition et le retrait de la loi Casbarian. Les habitants et habitantes d'un squat qui plie mais ne rompt pas, et de multiples signataires, où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, oui, il y en a une quarantaine, je vais pas tous vous les lire. Et donc, tout de suite, voici une seconde lecture qui concerne l'appel à manifestation du 30 septembre pour la baisse des loyers et des charges pour un logement décent, stable, abordable pour toutes et tous. Ce texte est publié sur le site de Paris Lutte Info, paris-lutteaupluriel.info. Mais vous trouverez aussi dans la description de cette lecture plein d'autres sources au sujet du logement, du mal-logement, des squats, des droits, etc., etc., comme des brochures parues sur InfoKiosque. Son adresse, c'est InfoKiosque au pluriel, InfoKiosque.net. Mais vous pourrez trouver aussi des infos sur le site squat.net, fr.squat.net pour la partie française, etc., etc. Comme d'habitude, il faudra les fouiller dans la description de cette lecture. Que voici ! Donc il y a un rendez-vous à Paris, je crois qu'il y a aussi d'autres rendez-vous dans d'autres villes. J'ai pas eu le temps en fait, je vais être franche, j'avais oublié qu'il y avait ces appels à rassemblement. On a passé une grosse semaine à essayer de suivre ce qui se disait autour de la loi plein emploi. J'espère qu'il va y avoir un article conséquent là-dessus. Mais bon, voici donc l'appel à cette manifestation à Paris et partout en France pour une marche des locataires, des mal logés, des sans logis, des résidents et des proprios occupants, occupantes. Oui, parce que ça, proprio, ce qu'on n'aime pas, c'est ceux qui ont de multiples locations pour se faire leur petite rente sur notre dos. Donc, je commence. L'appel concernant Paris, c'est le samedi 30 décembre place du Châtelet à 15h. Nous, locataires et résidents et résidentes, subissons sans cesse des hausses de loyers et de charges. En 1973, les locataires consacraient 10% de leurs revenus au loyer. Aujourd'hui, c'est près de 30% en moyenne. Et pour beaucoup, c'est plus de la moitié des revenus. C'est notre plus gros poste de dépense. Cette année, les redevances dans les foyers vont augmenter de 3,5%. Cela fera 7,1% en 2 ans, soit presque 1 mois de loyer. Et malgré l'inflation des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé la fin du bouclier tarifaire. Alors que le nombre d'expulsions s'emballe comme le nombre de sans-abri, alors que les places d'hébergement baissent. Dans les foyers, les résidents et résidentes sont victimes non seulement de la hausse des redevances, mais d'une chasse systématique de celles et ceux qui hébergent par solidarité leurs proches. Au logement cher s'ajoutent les pratiques illégales des gestionnaires. Visites non annoncées dans les chambres, résiliation de contrats sur la base de soupçons, et quand un résident ou une résidente cherche à intégrer le logement de droit commun, c'est une victime facile des arnaqueurs et prétendus intermédiaires, bailleurs privés et agents immobiliers qui arnaquent celui ou celle qui cherche un logement grâce à l'absence de contrôle et des sanctions. Ils fraudent l'encadrement des loyers, le gel du loyer lors du changement de locataire, les normes de décence, les baux, la surface, les règles de congé, affichant des offres qui, parfois, n'existent même pas. Ils profitent de la pénurie de locations et de HLM, aggravée par les locations Airbnb et les logements vacants. Les lois qui protègent les mal logés et les sans-toit sont bafouées par l'État. Loi Dalo, loi à l'hébergement jusqu'au relogement, droit au relogement des habitants et habitantes de logements insalubres ou en péril. Plutôt que de produire en priorité les logements sociaux dont nous avons besoin, car le nombre de demandes HLM atteint les 2,3 millions, le gouvernement aggrave la crise du logement. Il baisse les APL, ponctionne les caisses du logement social. Il détruit massivement les logements sociaux et les anciens foyers dans les quartiers populaires au nom de la mixité sociale et de la sécurité. Pour mieux briser les liens sociaux, réprimer ou chasser les habitants et les habitantes et casser la solidarité. Les résidents et résidentes de foyers, Coalia, ADEF, ADOMA, etc., sont toujours plus précarisés. D'anciens foyers sont reconstruits sans consultation avec leurs habitants et habitantes, avec une réduction de la capacité, condamnant une bonne partie des résidents et résidentes, et tous les hébergés, à l'exil et à la précarité. Plutôt que de réquisitionner les logements vacants qui sont au nombre record de 3,2 millions, le gouvernement criminalise les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer, les sans-logis qui occupent les biens vacants de gros propriétaires et les salariés qui occupent leur lieu de travail. C'est la loi Kasbarian-Berger. Et quand un jeune ou un membre de la famille sans domicile est hébergé dans un foyer, c'est la garantie d'une expulsion, de l'hébergé comme de l'hébergeant. Et ce n'est pas fini. L'État prépare de nouvelles lois anti-locataires, de nouvelles lois répressives contre les précaires. Mobilisons-nous dans la rue, partout en France, pour soutenir la résistance des foyers, par exemple Boulogne et Branly, face aux attaques antidémocratiques des gestionnaires. Pour baisser les loyers, les prix de l'énergie et augmenter les APL, pour construire massivement de vrais logements sociaux à la place de logements pour spéculer, pour renforcer les droits des locataires, des mal-logés, des sans-logis, des résidents et des résidentes, ou de celles et ceux qui cherchent un logement, pour arrêter les expulsions et les politiques d'urbanisme qui chassent les classes populaires, la NRU, les grands projets, les projets liés au JO, le surtourisme, etc., etc., qui alimentent le logement cher et la crise du logement. pour abroger la loi Kasbarian-Berger et pour imposer la reconstruction avec la participation des résidents et résidentes des anciens logements foyers. La marche des solidarités appelle à un rassemblement à la suite de la manif à 17h au métro Fille du Calvaire contre le cirque des racistes et des fascistes appelle à un rassemblement à Paris. Donc c'est à la suite. Il y aura un lien aussi sur cet appel. Il y a une plateforme pour le logement pour toutes et tous. Le site c'est https://www.pourlelogement.org. Voilà, ce lien-là aussi sera évidemment dans la description de ce texte lu. Voilà, c'est la fin de cette seconde lecture qui n'était pas prévue, que je rajoute un peu en urgence. J'espère que je sortirai tout à temps. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes manifestations, de bons rassemblements, de bonnes marches, de bonnes luttes. Et plein de rencontres pour plus de solidarité et d'entraide, tout en faisant attention aux autres, en faisant attention à la protection des autres aussi, tout en prenant soin des autres. C'est en prenant soin les uns et les unes des autres que nous réussirons à faire front et pas autrement. Comme d'habitude, vous trouverez le lien direct vers cette tribune, ainsi que plein de ressources et d'informations supplémentaires, en particulier sur les squats, en description de ce texte que vous trouverez au milieu de plein d'autres lectures sous le nom de Caracol, K-A-R-A-C-O-L-E, sur le site ressources archive.org. Et je vous dis à très bientôt.